السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. مرحبًا بكم جميعًا. Bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être réuni parmi vous via la radio par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois de Ramadan. On est toujours dans l'explication de la partie de Juz'ama. Et on était arrivé, on avait commencé hier l'explication de Sourate An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. Et on avait vu que dans les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala jurait par les anges. Car on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui a de la valeur. Des fois il jure avec ses signes, par ses signes afwan et ses créatures, pour montrer la grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a juré par les anges, car les anges ont une grande valeur auprès de lui. Et on avait cité jusqu'à sa parole dans le verset numéro 14, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. On avait terminé ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى إلى آخره. الله سبحانه وتعالى ici mentionne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que certes avant lui les messagers sont venus et leur peuple ont traité de mensonges ces messagers. Et ils étaient nombreux. Et il y a dans cela, et il y a pour toi, une leçon à tirer, un exemple. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici cite un seul exemple parmi les prophètes qui est Moussa alayhi salam. Il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ici une partie du récit de Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à plusieurs reprises dans le Coran. Comme vous le savez, notamment dans Sourate Al-Qasas, wa Taha, wa Kadhalik, Maryam, et d'autres sourates. Et c'est d'ailleurs le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le plus dans le Coran. Donc il dit, dans la traduction approximative, هل أتاك حديث موسى, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Et ici, c'est une interrogation pour affirmer. C'est une question ici pour affirmer, pour confirmer. Et le sens est, certes, le récit de Moussa t'est parvenu. Et c'est une interrogation qui concerne une affaire immense, importante, et qui s'est réalisée de façon inéluctable. Et les savants disent aussi qu'il y a dans cette question, dans cette interrogation, une motivation pour susciter à celui qui entend l'envie d'écouter ce récit. Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Quand son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa directement. Allah, lorsque Moussa alayhi salam arriva à la vallée sanctifiée, Allah ta'ala l'appela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Qasas, le récit. Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala appela Moussa en lui parlant réellement dans cette vallée qui s'appelle Toa. Moussa alayhi salam a entendu Allah subhanahu wa ta'ala de sa voix. Il a entendu la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, le son. Et cette vallée qui s'appelle Toa, le mont Toa, qui est purifié, c'est-à-dire la vallée sanctifiée. Pourquoi ? Car c'est à cet endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Comme on a dit directement, sans intermédiaire. Et qu'il l'a choisi en tant que prophète pour transmettre le message, la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit et mentionne dans le livre Moussa, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah lui dit, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moussa alayhi salam seul, il lui dit, اذهب, va. Mais on peut voir dans d'autres versets qu'il y a aussi Haroun, son frère, qui était un prophète et messager. Hein, le frère de Moussa. Pourquoi ? Parce que Moussa, alayhi salam, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui assigner un assistant, qui est son frère. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Taha, dans les versets suivants, rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es le très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moussa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ici à Moussa alayhi salam de retourner vers Pharaon ainsi que son frère. Ordonne à Moussa et son frère Haroun de retourner vers Pharaon afin de lui transmettre le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici la cause. Car Pharaon il s'est rebellé. Il a outrepassé les limites. Il lui ordonne d'aller vers Pharaon, pour lui interdire sa rébellion, sa mécréance, son association et sa désobéissance. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier ? Méditez sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, a ordonné à Moussa alayhi salam de dire à Pharaon, un des pires qu'il y a eu sur cette terre. Et pire créature qu'il y a eu sur cette terre. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de lui parler d'une manière douce, d'utiliser la douceur. Et cela montre comment les prophètes et messagers alayhim assalam appelaient à l'islam avec douceur et sagesse. Et c'est ça la base. Hein, la première approche, c'est ça, la douceur. Après ça, si la personne n'accepte pas et le combat et son orgueil, etc., cela est une autre affaire. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ordonne à Moussa de dire à Pharaon, voudrais-tu te purifier? C'est-à-dire, puis dis-lui devant lui, quand tu seras devant lui. Adresse-toi à lui directement. Voudrais-tu te purifier? Et c'est une question, une interrogation qui motive, hein, qui suscite l'envie chez la personne. Hein, voudrais-tu te purifier? Purifier son âme. Donc Pharaon a purifié son âme, il invite ici. Pharaon a purifié son âme de toute souillure, de mécréance, de mal et de rébellion. Vers quoi? Vers l'islam, vers la foi, vers l'œuvre pieuse. Naam. Donc lorsque tu t'adresses à lui, parle avec douceur et gentillesse, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Taha, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Fin du verset. Donc voudrais-tu te purifier? Dis-lui, voudrais-tu suivre le chemin qui te purifiera afin de te soumettre et d'obéir? Il lui a pas dit ne lui ordonne, c'est-à-dire ne lui ordonne pas directement. Car il est rebelle, c'est un arrogant, un orgueilleux. Mais plutôt expose-lui la voie à suivre afin de purifier son âme. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Naam. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. C'est-à-dire que je t'oriente vers ton Seigneur, vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'adoration de ton Seigneur et son unicité, vers ce qui va satisfaire ton Seigneur afin que tu le craignes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, afin que tu le craignes, il a parlé de khashiyat, hein, fatakhsha. Et la crainte ici, elle est liée avec une science, c'est pas une peur tout simple. Seulement une peur, parce qu'il y a une différence entre la peur et la crainte. C'est que la crainte, elle est liée avec une science. Car tu connais l'immensité de celui à qui tu crains. Donc il lui dit, afin que tu le craignes, c'est-à-dire que tu craignes son châtiment, afin que tu délaisses ta parole de mécréance et de rébellion, quand il a dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. On va le voir après. Mais Pharaon refusa ce à quoi Moussa l'a invité. Allah dit ensuite, wa fa'arahu al-ayat al-kubra. Il lui fit voir le très grand miracle. Hein, les miracles et les signes avec lesquels est venu Moussa alayhi salam à Pharaon. Car chaque messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec des signes, des miracles adaptés à leur époque. C'est-à-dire à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était la sorcellerie qui était très répandue. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec ces miracles, le bâton et la main, comme on va le voir. Ces signes qui sont une vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec une chose qui triompherait sur les sorciers qui se présenteraient à Moussa. Pourquoi? Parce que les sorciers savaient ce qu'était la sorcellerie. C'est pour cela qu'ils ont été les premiers à croire en Moussa alayhi salam, car ils ont vu de leurs propres yeux Ils ont vu que ce n'était pas de la sorcellerie, mais c'était des miracles venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prouver la véracité de son message. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc là, il lui fit vie, il lui fit voir le très grand miracle. Un miracle que personne ne peut nier. Un énorme miracle. Moussa avait un bâton sur lequel il s'appuyait devant Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-A'raf, versets 107 et 108, il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. Pour ceux qui regardaient. Fin du verset. Mais malgré cette preuve claire, évidente, que personne ne peut nier, ce grand signe, Pharaon se rebella. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسَعَى. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Il traita Moussa de menteur et refusa d'obéir. Il rejeta les miracles. Il le traita de fou, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate les poètes, Ash-Shu'ara. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Regarde combien, avec combien de choses il a mécru, celui-là. Combien il a eu de mécréance. Il a renié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a traité de mensonge ses messagers. Et il a désobéi. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Thumma adbara yas'a. » Une autre forme de mécréance. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment. Hein, il se détourna de la foi et de la vérité. Et s'en alla précipitamment. Pour faire quoi ? Pour faire la corruption sur la terre. En s'efforçant de combattre la vérité par le faux. Fahashara fanada rassembla les gens et leur fit une proclamation. Hein, il rassembla son peuple, toute son armée. Il les appelle à le secourir. Et lorsqu'il fut rassemblé, il proclama à haute voix فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Regarde la parole de mécréance, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, qu'Allah nous en préserve. Hein? Il dit ici, Pharaon, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Seigneur au-dessus de moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate le récit, et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'il ne saurait pas ramener vers nous. Non seulement il a prétendu la seigneurie, et en plus il a prétendu l'adoration, être la divinité, qui mérite l'adoration seule. Wal'iyadu billah. Regarde à quel point il s'est enflé d'orgueil jusqu'à prétendre cela. Quelle fut sa fin à Pharaon ? Sa punition. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى » Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni dans cette vie d'ici-bas par la noyade. Pharaon et son armée furent submergés par la mer, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu ou ce qu'il est devenu des injustes. Il sera châtié aussi dans sa tombe. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat, Ghafir, le pardonneur, verset 46. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et il sera châtié dans l'au-delà, dans cette dunya, dans la tombe et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du même verset, c'est-à-dire le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Allah dit dans un autre verset dans Sourate le récit, nous les fîmes suivre dans cette vie d'ici-bas, nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les Oni. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Pas de doute. Effectivement, il y a certes là dans le récit de Moussa alayhi salam avec Pharaon un sujet de réflexion. Une leçon, une morale pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il tire bénéfice des versets et des leçons lorsque la personne voit le châtiment qu'a subi Pharaon dans tout ce qu'on a cité. Il saura que celui qui s'enorgueille et désobéit et tourne le dos et démentit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et combat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le punira dans cette vie, dans la tombe et dans l'au-delà. Quant à celui dont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a quitté le cœur, il ne croirait pas même si tous les signes venaient à lui. Celui qui ne craint pas Allah azza wa jal, il n'a aucune crainte. Même si tu lui ramènes tous les signes qui existent, il n'y croirait pas. Qu'Allah nous préserve de cela. Après avoir cité le récit de Moussa, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ensuite les preuves claires et dit à celui qui renie la résurrection et qui considère improbable qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts après qu'ils aient été ossements pourris et décomposés, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha » Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il, Allah subhanahu wa ta'ala, a pourtant construit? C'est-à-dire, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel? Certes, le ciel est plus dur en création. C'est-à-dire est plus grande, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ghafir, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il interroge ici, أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ, c'est une interrogation ici pour confirmer, pour affirmer la résurrection. Car si Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer les cieux et la terre qui est plus grande que la création des gens, alors il n'y a pas de doute qu'il est capable de créer et de recréer l'homme le jour du jugement. Et ceci est une preuve claire. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a construit le ciel comme il dit, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son volume, sa taille ainsi que sa forme. Là, il parle du ciel ici. Il l'a élevé bien haut, sans pilier visible, comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 2. Puis il a parfaitement ordonné avec exactitude. Donc il l'a élevé bien haut, sans pilier visible. comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ra'd. Donc là, c'est la fin du verset. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a parfaitement ordonné, comme il dit, puis l'a parfaitement ordonné, avec exactitude, sans courbure, sans brèche et sans faille. Une précision qui rend les raisons perplexes et qui étonne les doués d'intelligence. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. Il a élevé bien haut, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Naam. L'obscurité a envahi l'ensemble des cieux et la surface de la terre. Comme on l'a vu dans Sourate An-Naba. Il a créé la nuit sombre et fait luire son jour. Il fait apparaître l'immense lumière lorsque vient le soleil. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Hein, après cela, c'est-à-dire après la création des cieux, il l'a étendue. Allah explique cela dans le verset qui suit. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en premier, avant les cieux. Taïb. Ensuite, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et tout cela est expliqué dans Surat, les versets détaillés, pour celui qui veut revenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la terre en premier. D'accord ? Ensuite, il a créé les cieux. D'accord ? Et ensuite, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Et ça, comme nous l'avons expliqué dans Surat la Nouvelle. Pour celui qui veut revenir, Inch'Allah, ou Ta'ala. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses. Il a fait sortir de la terre son eau et son pâturage pour que ce soit une jouissance pour nous. Et en plus les bestiaux. Dans cette vie d'ici-bas. Mais cela pour un temps déterminé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Puis quand viendra le grand cataclysme. On avait expliqué cela. Hein, quand viendra le deuxième souffle dans la trompe. Quand Israfil, l'ange, il va souffler pour la deuxième fois dans la trompe. Le jour de la résurrection et de l'heure. Le grand cataclysme, un jour terrible. Et pourquoi il a été appelé comme ça? Car il couvre toute chose terrible et difficulté auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus grande difficulté. Toutes les difficultés que tu as pu avoir, ce grand cataclysme, il va tout couvrir. Il n'y aura plus d'autres difficultés. C'est la plus grande. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Qamar, la lune, verset 46, l'heure plus tôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Naam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Et on continuera, Inch'Allah ta'ala, demain, la suite de cette surah, et on la finira sans doute par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. N'oubliez pas, Inch'Allah ou Ta'ala, le prochain rendez-vous, c'est avec notre frère, noble frère, Youssouf Abu Abdelrazzaq. Le cours commencera, Inch'Allah ou Ta'ala, à 22h, heure française. Soyez présents. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous facilite et nous accorde le succès et la réussite. Et il a le liqa à notre rendez-vous demain, Inch'Allah ou Ta'ala. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.